Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le traité de Paris. Le 10 février 1763, trois hommes signaient à Paris un document qui allait avoir une importance énorme pour le Canada et pour les Canadiens. Une importance si grande, en effet, que c'est le tournant le plus grave de notre histoire. Ce document dont parle l'archiviste Robert de Roquebrune dans cet extrait qui date de 1963, ce document, c'est le traité de Paris, et Robert de Roquebrune n'est pas le seul à considérer ce document-là comme l'un des plus importants, sinon le plus important document de notre histoire. Quelques minutes avant la signature de ce traité, nous étions encore les sujets du roi de France, et quelques minutes après la signature, nous étions devenus les sujets du roi d'Angleterre. Aurélie, il s'agit d'un cahier sur papier. Mille et une précautions pour un document unique. Le traité de Paris de 1763 n'avait jamais été exposé en dehors des bâtiments du ministère des Affaires étrangères à Paris. Ce document est considéré en France comme un trésor national. Si l'objet est précieux pour les Français, le texte est douloureux pour plusieurs Québécois. Un texte qui a scellé le sort des francophones en Amérique du Nord. Avec l'article 4, la France cède le Canada à la couronne britannique. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce document, qui est unique, qui a une valeur symbolique très très forte, qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne viendraient pas le voir. Encore aujourd'hui, qui sont des gens intéressés à l'histoire, qui sont même des gens parfois engagés politiquement, parce que pour eux, ça représente justement ce moment de passage où il y a le mot défaite, où il y a le mot conquête. Donc c'est assez intéressant de constater ça, qu'un objet d'archive peut avoir un tel pouvoir. Extrait d'un reportage de Pascal Poinlan à l'automne 2014, au moment où le Musée de la civilisation de Québec présentait à la population le fameux traité de Paris, suivi du commentaire de Michel Côté, qui était à ce moment-là directeur du Musée de la civilisation. Pour mieux comprendre l'importance du traité de Paris, le contexte aussi dans lequel il sera signé, mon invité, l'historienne Sophie Imbeau, spécialiste de la guerre de la conquête et qui a co-dirigé avec Denis Vaugeois et Laurent Vessière le livre 1763, le traité de Paris bouleverse l'Amérique, publié aux éditions Septembre. Sophie Imbeau, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur ce commentaire de Michel Côté à l'époque, en 2014, au moment où le traité est exposé à Québec. C'est intéressant ce qu'il nous dit. Des gens qui vont refuser de le voir parce que ce document est pour eux encore trop chargé d'émotions. Parlez-moi un peu de ça, de l'importance symbolique. C'est pas un document comme les autres, le traité de Paris, quand on est Québécois. Non, c'est un document très important pour moi, historienne, et pour plusieurs. C'est le document le plus important de notre histoire qui scelle le sort de l'Amérique francophone. C'est la fin d'un rêve français en 1763. Mais je pense que Les Québécois ont eu ce rendez-vous avec l'histoire, avec ce document. De toute tendance confondue, les gens se sont déplacés. Au contraire, toute tendance politique. Oui, toute tendance politique. Ils voulaient comprendre, voir. Il n'y a rien comme voir de ses propres yeux pour comprendre, interpréter selon ses valeurs et tout ça. Et je pense que c'était un moment qui a servi à ça. La venue de, on disait, mais un document d'archives qui sort des voûtes des archives de la Courneuve à Paris. Mais qui est plus, je reviens sur ce que Michel Côté disait, puis je conçois bien que ça a été un succès, cette exposition, que les Québécois, toutes tendances confondues, politiquement, ils sont allés au Musée de la civilisation, mais il reste qu'il y a une charge, une valeur symbolique pour nous qui est extraordinaire, parce que après tout, ce n'est qu'un traité, mais fondamental. Qu'est-ce qui, pour nous, là-dedans, est symboliquement si important? Bien, c'est l'abandon de la France. Hein? On va employer les mots comme ils sont. C'est comme si la France abandonnait une population de 60 à 70 000 personnes aux mains de l'ennemi de toujours. Hein? Les Britanniques, ce sont les ennemis des Français. Et c'est encore comme ça qu'on perçoit ça dans notre imaginaire collectif? Dans l'imaginaire collectif, ça a été entretenu, si on veut, dès dès 1770 avec les grandes toiles en Grande-Bretagne de Benjamin West. Vous avez sûrement déjà vu, et nos auditeurs aussi, la mort du général Wolfe. Mm-hmm. Donc, dès 1770, ce mythe-là va être entretenu de l'abandon de la France. Et en histoire aussi, il y a eu deux grandes écoles, l'école de Montréal et de Québec, mm-hmm. qui a contribué aussi, c'est le fédéralisme et le nationalisme, qu'on a rattaché à cette période. Au fond, ces deux écoles, c'est intéressant parce que même dans notre contexte québécois, il y a eu un débat entre historiens sur, au fond, c'est sur l'effet qu'aura la conquête. Est-ce que la conquête, c'est une défaite, mm-hmm. ou est-ce que c'est une manière de... Parce que l'école de Québec, au fond, de l'Université Laval, dit, je pense, c'est ce qui conduira l'avenue des Britanniques à un pays plus moderne. C'est ça qui est en cause. C'est ça. Donc, les Britanniques, ont apporté les grandes institutions, ouais. comme notre Parlement. Donc, c'est cette thèse-là. Ça, c'est l'école de Québec. Oui. Et l'autre thèse, ben, c'est la fin, c'est le début, si vous voulez, de l'asservissement de toute une population qui devra lutter pendant... Ouais. plus de 250 ans là, pour sa survie dans un contexte nord-américain, anglophone, avec des valeurs qui sont différentes. Le traité de Paris va être exposé à Québec, mais en 2014, il y aurait eu un beau rendez-vous en 2013, 250e anniversaire de la signature du traité. Est-ce que c'est purement le fruit du hasard, ou si ça montre pas qu'il y a encore quelque chose de sensible, ou en tout cas qu'on craignait, oui. l'impact que ça aurait? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, historiens, M. Vaugeois, Denis Vaugeois, qui est historien, a beaucoup contribué à la venue du traité de Paris. Donc, lui, il trouvait que c'était un document à voir, 250 ans et tout ça. Et il y a eu beaucoup de débats, surtout politiques, en fait. Oui. On pensait, on liait encore une fois ce document. On disait, mais ça va déraper. On sait pas qu'est-ce que ça peut faire ressortir de la fibre nationaliste de cette venue d'un document. Et alors oui, on avait cette crainte, mais finalement, on s'est rendu compte que les gens étaient curieux de comprendre. Oui. Donc, ça a été un petit peu, si vous voulez, désamorcé tout ça. Mais aux États-Unis, c'est intéressant parce qu'en 2013, ils l'ont eu. Ah bon? Le traité de Paris, la version britannique, est allée à Boston, si je ne m'abuse. Donc, eux, pas de problème, ils ont vu le traité en 2013. Avec peut-être, entre guillemets, plus d'objectivité historique. D'abord, ils sont du côté, dirais certains auditeurs, des gagnants, mais il n'y avait pas cet enjeu qu'il y avait ici. Non, il n'y avait pas cet enjeu. Et pour les Américains de l'époque, en 1763, le traité de Paris, c'est un grand soupir de soulagement. C'est enfin la paix durable qu'ils ouais. attendent envers ces Canadiens qui essaient d'être disséminés sur tout le territoire. Parce que pour eux, cette guerre-là qu'il y aura ici, qui mènera à 1759 aux plaines, la capitulation de 1760, le traité de Paris en 1763, vu les Américains, on appelle ça d'ailleurs la guerre avec les Indiens. Là, c'est ces invasions constantes vers les États-Unis d'Indiens de mèche avec les troupes françaises. C'est ça pour eux. D'ailleurs, elle porte le nom de French and Indian War ouais. aux États-Unis. Donc, alors soulagement, effectivement. C'est la guerre de la conquête. Alors, ouais. on voit déjà que la charge émotive n'est pas la même, dépendamment du point de vue où on se place. Alors, Sophie Imbeau, revenons au traité comme tel, et reculons dans le temps, dans quel contexte il est signé, ce traité de Paris? Donc, le traité est signé le 10 février 1763 à Paris, et fait intéressant pour la petite histoire, pour une cause de maladie, n'est pas signé dans un lieu qu'on aurait pu juger plus diplomatique. Il est signé à l'hôtel de Bedford, qui représente la Grande-Bretagne, parce qu'il était malade de la goutte. Le représentant britannique. Oui, le représentant britannique était malade, donc les autres représentants de la France, qui étaient Choiseul Praslin, et de l'Espagne, qui était Geronimo Grimaldi, donc de la même famille, d'une branche de la famille Grimaldi qui règne toujours à Monaco. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Donc, un diplomate de carrière. Ils se déplacent tous et vont signer ce document qui a nécessité plus de 2 ans de négociations, deux rondes de de négociations ont été nécessaires. Et si on lit les mémoires de ces plénipotentiaires, comme on les appelle, donc ce sont des représentants des rois, ce ne sont pas les rois qui négocient, mais ce sont leurs diplomates. Mm-hmm. Donc, dans leurs mémoires, ils le disent bien, ouf! On n'a pas dormi, on a discuté, il y a eu beaucoup d'échanges et tout ça. Il y avait les pêcheries aussi ont été une pierre d'achoppement. Donc, on a mis fin aux négociations et on les a repris. Je vous écoute, puis au fond, il y a une image qui me vient. On parle beaucoup dans les temps modernes d'aujourd'hui de grands traités de négociation, de traités de libre-échange. Au fond, c'est pas ça, mais ça se rapproche. Ça se rapproche parce que faut bien être conscient que il y a quelques puissances coloniales, trois, mais deux principalement, Angleterre, France, qui mènent une négociation qui va durer 2 ans, mais dans laquelle ils se partagent le monde. Ah oui, vous avez raison, le monde est partagé. Donc, en Asie, en Amérique, en partout. Inde. Ouais. Donc, les colonies sont vues à l'époque comme une monnaie d'échange. Donc, pendant qu'on se fait la guerre, on conquiert un territoire, une ville, une île. Et à la fin de la guerre, on s'assoit et là, on se rééchange tout ça, en fait. Et ce qui arrive avec la France est en position de grande faiblesse quand vient le moment des négociations. Surtout, l'année 1759, c'est la bataille des Plaines. Donc, les Français perdent dans la colonie dans la Nouvelle-France. Mais il y a aussi de grandes batailles que les Français ne vont pas remporter. Mm-hmm. Donc, celle des Cardinaux, de la baie des Cardinaux. Ça, c'est le ravage de la flotte française. Mm-hmm. Et ça, ça a de graves conséquences pour la suite des choses. Ils seront en position de faiblesse, au fond, puis on va y revenir dans quelques minutes, mais la France est vraiment sur le terrain et ça va se traduire concrètement dans la négociation en position de faiblesse. Ce qui fait que la France n'aura peut-être pas ce qu'elle aurait voulu obtenir, mais en un mot, comment ils vont se départager? Ça va donner quoi, le traité de Paris? Comment ils vont se départager le monde, ces quelques puissances? Donc, la France va reprendre, si vous voulez, quelques comptoirs en Inde, dont Pondichéry. Et la grande particularité de ce traité-là, ben, c'est la perte du Canada. Donc, dès 1761, la France va renoncer à ce territoire. Mm-hmm. C'est une grande particularité du traité. Ensuite, elle va reprendre des îles à sucre, dont la Guadeloupe, qui appartient toujours à la France. Donc, c'est des choix, si vous voulez, monter plus sur des matières premières. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est plus profitable monétairement de conserver? C'est ce que la France va reprendre. Ça va être reçu comment? Quand on va savoir ici que le traité a été signé, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les habitants de la colonie? Tout d'abord, quand la nouvelle du traité de Paris arrive dans la colonie, qui est sous régime militaire depuis 1760, donc ça fait un peu plus de 3 ans là, que les gens sont dans l'attente, dans l'incertitude, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va arriver. Donc, au début, c'est le déni. On est catastrophé que la France, du point de vue canadien, hein, toujours, donc on n'en revient pas que la France ait laissé tomber 60 à 70 000 Français catholiques aux mains de Britanniques. Mm-hmm. Mais rapidement, le quotidien va reprendre ses droits et on va devoir payer sa maison et payer à manger et tout ça. Donc, rapidement, on va reprendre un cours de vie normal. Puis, donc, c'est ce qu'on voit dans les sources. Il y a une protection pour la religion catholique, pas pour la langue parlée, pas pour le français. Pourquoi? La religion catholique, il y a une protection, mais c'est encore là une grande période d'incertitude parce que l'évêque est décédé en 1760. Donc, plus d'évêques, plus de nominations de prêtres et tout ça. Donc, le clergé serait potentiellement appelé à disparaître progressivement. Et ça, c'est une des questions qui est une des plus importantes là, pour les Canadiens. Est-ce que on va pouvoir conserver notre religion catholique? Et finalement, on va renommer un évêque plus tard qui va arriver. Des beaux hasards de l'histoire. L'évêque va arriver à Québec le même jour que Murray, lui, va repartir pour la Grande-Bretagne. Sur la réaction que ça va susciter la signature du traité de Paris, je vous propose un commentaire de l'archiviste Robert Ogbund qu'on écoutait au tout début de l'émission, un commentaire qui date de 1963. Ce traité de 1763, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il fut très mal reçu par nos ancêtres. Lorsqu'il fut connu à Québec, à Montréal et dans les campagnes, un vent de catastrophe passa sur le pays. Oui, nos Canadiens accusèrent, avec raison d'ailleurs, les Français de les abandonner. Ils accusèrent le roi Louis XV de les sacrifier. Et tout cela était parfaitement vrai, car nous étions abandonnés et nous étions sacrifiés. Mais comme les Canadiens étaient de bien braves gens et qu'ils étaient profondément patriotes et profondément attachés à la France et même à son roi, beaucoup refusaient d'accuser les vrais responsables de l'événement. Et un vieil écrivain canadien, Gaspé, a raconté que dans les campagnes surtout, les habitants disaient « Oh ben, c'est pas la faute des Français, cette affaire-là. C'est pas la faute du rouet. C'est la Pompadour qui nous a vendus aux Anglais. » Alors, Sophie Imbeau, qu'est-ce qui appartient au mythe, qu'est-ce qui appartient à la réalité dans ce qu'on vient d'entendre sur l'idée que la France nous abandonne, sur peut-être cette idée aussi que c'est la faute à la Pompadour? Eh oui, ça a été bien répandu pendant des années, la Pompadour. Mais la Pompadour, pourquoi elle? Parce qu'elle est la maîtresse de Louis XV. Oui. Parce qu'elle est présente pendant toutes les négociations. Elle assiste à ça. Et elle, ce qu'on a découvert récemment, elle est bien au fait de ce qui se passe. Et elle n'est pas nécessairement en accord avec la cession, si vous voulez, de cette colonie. Ah bon? Donc, elle va essayer de faire ce qu'elle peut. Mais Choiseul, qui est le ministre, va se rendre à l'évidence que les billes vont être mieux ailleurs qu'au Canada, qui coûte très cher, hein. Depuis au moins une bonne décennie, les ministres qui se sont succédés se plaignent constamment que cette colonie coûte trop cher à la France. En fait, la question, probablement, la bonne question n'est peut-être pas de savoir si la France nous a abandonnés, mais est-ce que la France pouvait faire autrement? On écoute justement là-dessus parce que, effectivement, la colonie coûte très cher. La France est en position de faiblesse. Un extrait d'entrevue accordé par Laurent Vessière, qui est conseiller général du patrimoine aux Archives nationales de France. Vous allez voir, il nous parle au fond du calcul de la France dans cette affaire-là. Ce qui se passe en 1763, c'est que la France n'est plus en mesure d'avoir le choix. Elle est en situation de défaite militaire, même si son armée n'est pas partie en débandade, etc. Elle est en situation de défaite militaire, elle n'a plus de marine. Donc elle se retrouve à la table des négociations avec peu de cartes. La Grande-Bretagne, c'est tout l'inverse, elle a conquis le Canada. La Prusse et les troupes anglaises ont réussi à défendre le Hanovre. Elle a conquis les comptoirs français en Inde, elle a conquis pratiquement toutes nos possessions au Sénégal. La France se retrouve nue au moment où, sur la table des négociations. Et face à une situation militaire catastrophique, où elle a perdu militairement à peu près toutes ses colonies, elle va changer sa logique et revenir sur une logique strictement commerciale, ce qui est une nouveauté complète dans la politique française. On fait simplement des colonnes et on voit ce qui rapporte le plus. Et malheureusement, le Canada se retrouve, qui était en tête vraiment de liste, qui avait été jusqu'au printemps 1761 toujours un territoire qu'il fallait récupérer en premier, se retrouve là par contre bien après les pêches de Terre-Neuve, le sucre des Antilles et les esclaves du Sénégal. Alors Sophie Imbeau, sur le plan strictement économique, le Canada n'est plus une bonne affaire pour la France. Eh non, je suis bien d'accord avec Laurent Vessière qu'on vient d'entendre. On a beaucoup discuté, il était là lors de la venue du traité de Paris. On a beaucoup discuté de cette question, quel choix s'offrait à la France. Et je suis tout à fait d'accord avec lui que le sucre, les esclaves l'ont emporté. Les arpents de neige aussi, les fameux arpents de neige de Voltaire qui décriaient la colonie du Canada comme gelée à perpétuité et tout ça. Donc la mode des chapeau de castor qui littéralement a développé la colonie, c'était plus la mode à cette période-là. Donc, les pêcheries pour alimenter les Français et refaire la marine aussi. Oui. C'était très important, plus malheureusement que la colonie. Donc, intérêt économique et encore une fois, faiblesse stratégique. La France n'a pas le gros bout du bâton, passez-moi l'expression, dans cette négociation-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le traité de Paris, pour les Anglais? Pour les Anglais, ben c'est le traité de Paris, c'est le début d'autre chose. C'est le début des révoltes qui commencent à poindre dans leurs colonies américaines, dans les 13 colonies. Et ils vont être insatisfaits, finalement, les Américains, plus les années avancent, surtout avec la proclamation royale qui accorde certains privilèges aux Canadiens. Donc, la Grande-Bretagne voyait la colonie de la province de Québec, comme qu'on va désormais l'appeler, comme une colonie comme une autre des 13 colonies. Donc, on veut éventuellement qu'il y ait une chambre d'assemblée et tout ça. Et les Américains, les Anglo-Américains, comme on peut les appeler, vont commencer à voir ça d'un mauvais œil. Et près de 15 ans plus tard, ben c'est la Révolution américaine et c'est la revanche de la France qui va venir appuyer les efforts de Washington. Mince consolation, mais en fait, on se console du fait que finalement, les Anglais vont perdre les 13 colonies américaines. Denis Vaugeois va dire d'ailleurs que c'est un peu le premier pas vers l'indépendance américaine, la signature de ce traité de Paris. On l'écoute justement en parler en 2014, au moment de la présentation du traité à Québec. C'est un bouleversement de la planète et entre autres de l'Amérique. Et ça va provoquer un nouvel aperçu géographique, on va dire ça comme ça, de l'Amérique du Nord. Les 13 colonies qui étaient sur la côte vont prendre l'expansion, vont aller jusqu'au Mississippi, après ça, vont traverser, vont aller jusqu'aux Rocheuses, de telle façon qu'au début, les 13 colonies disaient « We the people of America ».« We the people ». Puis après, mettons, la vente de la Louisiane par Napoléon, ils disent plus « We the people ». Ils disent « We are America ». Nous sommes l'Amérique. Et ça, ils le disent à partir du traité de Paris de 1763. C'est le traité de Paris de 1763 qui a mis la table pour leur démarche d'indépendance et ça détermine la frontière avec le Canada. Parce que le Canada et les États-Unis, là, c'est le traité de Paris. Hein? Le Canada, les deux nations, les deux langues, les deux cultures, c'est le traité de Paris. Mais aussi des frontières. Ça, c'est important, ça, Sophie Imbeau. C'est un déclencheur dans la dynamique politique. Le traité de Paris pour les Américains, on l'entendait, là, M. Vaugeois dit, c'est même dans leur tête, dans la manière de se définir, ils deviennent Américains à exactement. Ce moment-là. La question des frontières est déterminante à la signature du traité de Paris. Les Canadiens connaissent très bien le territoire. Ils l'ont parcouru d'un bout à l'autre. Il y a des cartes, mais les Britanniques, ne savent pas trop. C'est quoi leur nouvelle colonie? Donc, ils ont un petit avantage et les Français vont les jouer un petit peu sur une question de frontière, là, donc qui se situe en Louisiane. Et ça, c'est un sujet que possède bien, comprend bien M. Vaugeois, qui est une autre particularité de ce traité-là. Et puis en terminant, je reviens sur ce que les Britanniques gagnent dans cette affaire-là. Bien sûr, ils perdront les 13 colonies américaines. Est-ce que c'était évitable? On pourrait faire probablement quelques émissions là-dessus. Mais ils vont gagner. En fait, la naissance de ce grand empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est ça, en fait. Le début de ça, c'est le traité de Paris. C'est ça. C'est le début, 1763, le début du grand empire britannique qui va régner pendant plus de 100 ans là, à la suite de ce passage. Sophie Imbeau, historienne, spécialiste de la guerre de la conquête, co-directrice de l'ouvrage 1763, Le traité de Paris bouleverse l'Amérique, qui est publié aux éditions Septentrion. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.